la passe à une terreau. Prête à qu'un apex fait nous sur un micro. Les locaux d'Amas, tricot, font figo. J'te miette, c'est ce qu'un DV, ou une vanne et dino. J't'appelle au nord cash, qu'à une dispo. Showtime, même off-white tricot. Bitch, dance off my country, dance off the rolling. On a meine members, et des schmal à Freundi. Will nach vorne nicht auf Kippbar, das denn ich lieb nur einmal. Boom, ba! Will nach vorne nicht auf Rap, boom, denn ich liebe nur einmal.